c'est parti, on fait du vif, vif, vif. En mode Armani, en mode Louis Vivi. Ça rit dans la salle, on fait nos vif, vif, vif. Bouteille sur la table, on calme les pip, pip, pip. DJ, fais-moi ça, faut que les gens vivent, vivent, vivent. Peace and love, voilà ce qu'on vit, vit, vit. Mes frères, on l'a dans les cartes, vif, vif, vif. Avant qu'elle kiffe et qu'elle pinique, ça va. Poto, t'es trop bourré, y'en a qui se marquent, qui se moquent. Pendant que dans tes potes, y'en a qui se marquent, qui se moquent. J'sais pas, t'es d'où, t'as cru que c'était une femme, t'es fou, ta bro, t'es ma que tout. Tu me demandes tes panames, j'te réponds, ouais, j'ai du pilon qui vient du 9-4. Poto, t'en auras si t'es mignon. Ah non, j'voulais dire, t'en auras si t'as les ronds. Parlons peu, parlons bien, j'voulais ça ou pas les ronds. Attends deux secondes, quelqu'un me bip, bip, bip. Allô, c'est Sophia, c'est quand on clique, clique, clique. Vas-y, là, j'suis loin, donc pch, pch, pch. Si je le fais, j't'appelle pas, t'as vu ta bip, bip, bip. Revenons-en à nos moutons, j'vois un anglais sur la piste, j'lui dis chocolat, il me dit, oh, mini money, j'lui dis quick. Vas-y, tiens, pilon, il donne 200 monnaies. Et va voir la banque, ok? On est démarre, mets-moi un verre, vive, vive, vite. J'ai cessé de m'approcher la tête et vive, vigile. Une bagarre, une bouteille, ça fait bip, bip, bip. Continue à mixer, bah ouais, tout le monde qui kiffe. Lunettes de soleil sur le pif, on ne cesse de danser. En parlant pif, y'a la compte, la cesse de danser. Il nous faut le pif, faut les billets violets. C'est vrai qu'on est pif si on fait les lovés. T'as capté les pailles, on veut taper des bas et palper des liasses, et pâter les tasses. Passer des vagues, grailler des plats. En regardant le ciel et charmer les dames. Mais qu'est-ce qu'on va se faire chier à faire des chichis. J'ai les pieds dans l'eau et j'ai ma chicha. Fruits de mer sur la plage, ouais, ouais, si, si. J'suis dans un film, laisse-moi faire mon. Je me retale les potos, c'est pas possible. Parce que c'est moi que les gens veulent écouter ce soir. Écarte-toi, s'te plaît, fais de la place, pauvre type. Tu nous feras pas peur parce que t'es grand et large. La démo, c'est mon bla bla bla. Tu fais le buzz, j'entends déjà les bla bla bla. Retourne à la frappe, tu pi pi pige. Ici y'a personne qui va prendre 20 pi pi pige. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové. On est pisselle, lové.